madame. Oui, non, mais d'accord. Ah, mais quand mais... même. Arrête avec ça. Merci à vous. Il est 23h. Les toutes dernières informations d'RTL Grand Soir avec vous, Céline Landreau. Tout d'abord, une citation, ce n'est pas un problème disciplinaire, mais un problème de ligne politique. Limogé, Virginie Calmels, tacle ce soir Laurent Wauquiez. L'ex-vice-présidente déléguée du parti Les Républicains accuse le patron, justement, de LR, d'avoir imposé à la droite une ligne identitaire et populiste. Son éviction a été très commentée à droite aujourd'hui. Alain Juppé, dont Virginie Calmels est la première adjointe à Bordeaux, estime ainsi que la loyauté, ce n'est pas l'alignement sur une position unique. Nicolas Sarkozy lui rappelle pour sa part que sans le rassemblement, rien n'est possible. L'intersyndicale d'Air France lève la grève prévue en fin de semaine du 23 au 26 juin prochain. Et seul le SPAF, deuxième syndicat de pilotes, maintient son préavis. Alors que la nomination d'un nouveau PDG d'Air France KLM est attendue au plus tard mi-juillet, les organisations syndicales préfèrent attendre le bon interlocuteur pour reprendre les négociations sur les salaires. Les syndicats de la SNCF doivent se retrouver demain fin d'après-midi pour évoquer la suite de leur mouvement, alors qu'aujourd'hui le taux de grévistes est tombé à 10,8% parmi les cheminots. C'est le taux le plus bas depuis le début de la mobilisation, début avril. Le nombre de morts sur les routes a baissé en mai, moins 8,4%. C'est 25 personnes tuées en moins par rapport à l'an dernier sur la même période. Schopenhauer, Durkheim ou Montesquieu au programme des futurs bacheliers aujourd'hui. Les élèves de terminale passaient leur épreuve de philosophie ce matin. Injustice, vérité ou désir au programme. Demain, place à l'histoire géo pour les élèves des filières générales. La Coupe du Monde de football et l'Angleterre qui remercie Harry Kane. Oui, sauvés par leur capitaine, les Anglais l'ont emporté 2-1 face à la Tunisie dans les arrêts de jeu. Et victoire également cet après-midi de la Belgique, 3-0 contre le Panama et de la Suède, 1-0 sur la Corée du Sud. La météo, rebonsoir Louis Baudin. Rebonsoir. Demain, le temps sera un peu plus ensoleillé qu'aujourd'hui, surtout en cours d'après-midi. Parce que c'est vrai que le matin, comme aujourd'hui, il y aura beaucoup de nuages au nord de la Loire. Ailleurs, ça sera déjà très ensoleillé, notamment près de la Méditerranée. En cours d'après-midi, les quelques nuages dans le nord devraient se dissiper et le soleil s'imposera partout. S'imposera, hein, ça ne veut pas dire que ça sera du ciel tout bleu. Il restera d'ailleurs quelques passages nuageux près de la Manche. Et puis, il y aura peut-être en fin d'après-midi un petit risque d'averse sur les Alpes. Ailleurs, retenez donc ce soleil qui dominera encore un peu plus facilement qu'aujourd'hui. Du coup, les températures, ben, elles vont grimper. Le matin, 13 à 15 degrés, pas moins. L'après-midi, 19 à 22 degrés près de la Manche, 23 à 27 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 27 à 33 degrés parfois dans le sud. C'est chaud, c'est bon. Merci à vous, Louis Baudin. C'est chaud, c'est bon. C'est Georges Lang qui arrive, évidemment. Même c'est pas, oh, c'est pas une beach party c'est ce soir. C'est chaud, c'est bon. C'est pas le jeudi soir, voilà. Non. Faudra attendre un petit peu. Bah oui, mais c'est pour bien débuter la soirée. D'ici là, il y aura trois collections, celle de ce soir, qui va démarrer tout de suite. Yeah. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous embrasse. Et je vous dis. Bonne soirée, Georges. À demain. À demain. RTL. Première radio de France. Et si on parlait Renault Occasion ? Alors, ce week-end au Mont-Saint-Michel, c'était comment ? Très bien, on y est allé avec notre 4 jars d'occasion. Ça vaut vraiment le coup alors ? Ah oui, surtout que chez Renault Occasion, pour 1 euro de plus, j'ai eu 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie. Donc pendant 3 ans, je ne paye plus rien pour mes révisions. Et le Mont-Saint-Michel ? Vous allez être fier de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Solidarité Sida et la région Île-de-France présentent Solidays, les 20 ans, du 22 au 24 juin à Paris-Longchamp. Avec DJ Snake, Chaka Ponk, Big Flo et Oli, Eddie Depreto, Nekfeu, David Guetta, IAM, Milky Chance, Juliette Armanet, Romeo Elvis, Niska, The Kills, Jane, Therapy Taxi, L'Impératrice et beaucoup d'autres. Pour le prix d'un concert, offrez-vous un festival. Inforesa, solidays.com, un événement Solidarité Sida. Les Nocturnes ont 45 ans. 1973, 2018, c'est aussi 45 ans de powerplay. Tu rejoins. En 45 ans, plus de 15 000 powerplay ont été diffusés. J'en ai sélectionné 73 parmi les meilleurs. 73 titres, un livret de 20 pages, les notes de Georges Lang, la programmation détaillée en haute définition. Revivez l'ambiance de l'émission mythique des Nocturnes dans un luxueux coffret 4 CD proposé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Arnaud, plâtrier.

hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. My Fire, les Doors, la version intégrale, 7 minutes et 10 secondes. Bonne nuit à tous et merci de nous écouter. La musique qui vous fait vibrer. Knock, knock, knocking on heaven's door. Don't let me down. Toute la musique qui vous fait rêver. George Lang. La collection George Lang. Écoutez. John Lennon. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, though I won't be afraid, no, I won't be afraid. Kicking off another hour of your favorite good time oldies on a super summer weekend. Cool 105.9. Don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind. Can't see. Just let it lie and let it be. so blind that I can't see. Just let it lie and let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh. Well, I guess you had me fooled for a while with your come on looks and your Mona Lisa's smile. Play your rock and roll to me, Smokey. Just let it lie and let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. RTL, la collection Georges Lang. Les Nocturnes ont 45 ans. 1973, 2018, c'est aussi 45 ans de powerplay. George Lang. En 45 ans, plus de 15 000 powerplay ont été diffusés. J'en ai sélectionné 73 parmi les meilleurs. 73 titres, un livret de 20 pages, les notes de George Lang, la programmation détaillée en haute définition. Revivez l'ambiance de l'émission mythique des Nocturnes dans un luxueux coffret 4 CD proposé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Comes and La collection Georges Lang. La musique que vous aimez, tout simplement, sur RTL. Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Et maintenant, Sam Smith, reprise d'une chanson d'Elton John qui s'appelle Daniel. Daniel is traveling tonight on a plane. I can see the red tail lights heading for Spain. Oh, I can see Daniel waving goodbye. God, it looks like Daniel. Must be the clouds in my eyes. They say Spain is pretty, though I've never been. What Daniel says is the best place that he's ever seen. Oh, he should know he's been there enough. Lord, I miss Daniel. Oh, I miss him so much. Is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Their lives looking behind. Joe Cocker et Jennifer Warnes. Les Nocturnes ont 45 ans. 1973, 2018, c'est aussi 45 ans de powerplay. En 45 ans, plus de 15 000 powerplay ont été diffusés. J'en ai sélectionné 73 parmi les meilleurs. 73 titres, un livret de 20 pages, les notes de Georges Lang, la programmation détaillée en haute définition. Revivez l'ambiance de l'émission mythique des Nocturnes dans un luxueux coffret 4 CD proposé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Il s'appelle Nick McCoy et il reprend une chanson qui a été un succès pour Ray Charles. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell you think you know me well, but you don't know me. No, you don't know. Dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you I'm just a friend, that's all I've ever been, 'cause you don't know me. I never knew with love for you. Afraid and shy, might love me too. You give your hand to me, then you say goodbye. I watch you walk away beside that lucky guy. You'll never, never know the one who loves you so. Well, you don't know me. Then you say goodbye. I watch you walk away beside that lucky guy. You'll never, never know the one who loves you so. You don't know me. You'll never, never know the one who loves you so. Don't know me. Belle et douce nuit avec RTL. Il est 23h36. Yeah. Sentimental Lady, c'était Bob Welch qui, à un moment donné dans sa carrière, faisait partie de Fleetwood Mac. Where did your long hair go? La collection. Where is the girl I used to? Glenn Frey qui reprend Caroline No, écrit par How could you un membre des Beach Boys. Oh, Caroline, no. C'est Brian Wilson qui a écrit Caroline, no. Who took that look away? I remember how you used to say you'd never change, but that's not true. Oh, Caroline. Sur RTL, Saturday. Tous les soirs de la semaine, de 23h à midnight. FM. Bob Seger avec son groupe la Silver Bullet Band. Sur l'album Stranger in Town en 1978. Ce soir. On approche de l'été, quelques jours encore, et ce sera l'été, le 21. Voici Joe Bonamassa. sur un album qui s'appelle The Ballad of John Henry. 23h52. La collection jusqu'à minuit. Et à partir de minuit, les nocturnes. And ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. What we need to survive. Trying.

Bordeaux estime ainsi que la loyauté, ce n'est pas l'alignement sur une position unique. Nicolas Sarkozy, l'ancien président, rappelle pour sa part que sans le rassemblement, rien n'est possible. Après la philosophie et le français, la semaine du bac continue, place à l'histoire géo. Aujourd'hui, les élèves de terminale en filière générale passent leur épreuve d'histoire géographie ce matin. La Coupe du monde de football et l'Angleterre sauvée par la tête d'Harry Kane. Les Anglais l'ont emporté 2-1 face à la Tunisie dans les arrêts de jeu. Victoire également de la Belgique 3-0 contre le Panama et de la Suède 1-0 sur la Corée du Sud. À suivre ce mardi, la Colombie face au Japon à 14h. À 17h, Pologne-Sénégal. Et ce soir, le deuxième match du pays hôte, la Russie, ce sera contre l'Égypte à 20h. La météo, plus de soleil aujourd'hui, même si les nuages seront encore nombreux ce matin au nord de la Loire. L'après-midi, le soleil va donc s'imposer partout. Les températures montent, du coup, 13 à 15 degrés ce matin, pas moins. L'après-midi, comptez 19 à 22 degrés près de la Manche, 23 à 27 ailleurs sur la moitié nord et 27 à 33 degrés parfois dans le sud du pays. Les courses à Dieppe, Dominique Cordier vous propose de jouer l'As, le 3, le 13, le 4, le 10, le 2, le 9 et le 6. Sa dernière minute, c'est le 13, Rouxville. RTL, 24 heures d'info. All through the night, you don't know how much I love you. Évadez-vous en Californie. KHJ Los Angeles. And don't it make my brown eyes blue. Parcourez le Tennessee. Promenez-vous dans Manhattan. CBS FM. Écoutez WRTL. George Lang. Toute la musique des États-Unis. We others. Doctor, doctor. Golden Greats. Keep on running. Power plant. Oh well, oh well. WQXI. Len Martin. About it. Ain't no real big secret, all the same somehow. Bonsoir ou rebonsoir, si vous étiez à l'écoute de la collection sur RTL. Ce sont les Nocturnes qui viennent de démarrer avec un classique, un incontournable. C'était Tom Petty à l'instant avec les Heartbreakers Refugees sur l'album Damn the Torpedo. Et c'est vrai que Tom Petty, il nous manque. Il nous a quittés le 2 octobre dernier et sa mort a été un grand choc pour beaucoup puisque on ne s'attendait pas à ce qu'il parte. C'est un peu comme Prince, il avait un peu abusé de médicaments pour cacher une douleur qu'il faisait souffrir. Et grâce à ces médicaments, il a pu faire sa tournée. Malheureusement, il en est mort. Et il nous manque beaucoup, Tom Petty, avec ce disque surtout, qui a marqué aussi l'histoire des Nocturnes, puisque lorsque nous étions en direct de Los Angeles, il y a déjà pas mal de temps, pour faire des Nocturnes depuis KLOS, une radio mythique, là-bas, sur la Cienega, eh bien, j'avais pris comme powerplay ce titre, Refugee, de Tom Petty et des Heartbreakers. Ça me rappelle plein de souvenirs. Vous écoutez les Nocturnes, et c'est jusqu'à 1h du matin, avec maintenant un disque live. Certains ont déjà reconnu l'introduction de ce morceau. Oui, il s'agit bien de I Can Tell You Why. Look at us, baby, up on les Eagles. Tearing our love apart. Sur l'album Hell Freezes Over. I didn't do no midnight creeping. When I was young, I stayed in line. Didn't do no midnight creeping. My mama had a broomstick beside the bed. Let me tell you, it wasn't for sweeping. Never took a lesson. I didn't learn nothing from a book. No, I never, never took a lesson. When it comes to the blues, I do my own kind of messing. Someday they do. You can't pick how people remember you. You just hope someday they do. But I still got more to say. People, I ain't never through. C'était Buddy Guy à l'instant, avec un extrait de son album Blue No More, avec l'album Blues Is Alive plutôt, and Well. C'était Blue No More là avec James Bay. Il y a beaucoup d'invités sur cet album. Il y a Mick Jagger, Keith Richards, Jeff Beck et James Bay qui a coupé ses cheveux et enlevé son chapeau et qui nous propose un nouvel album qu'on écoutera demain dans les nocturnes sur RTL. Minuit 18, voici une jeune femme qu'on a déjà prise comme powerplay, c'est Dana Fuchs. Là, je vous propose de l'écouter une deuxième fois parce qu'on a déjà écouté ce titre avec Ring on Fire, une chanson de Johnny Cash qui a été écrite par la femme de Johnny Cash, June Carter, avec la collaboration de Mel Kilgore. Voici donc Ring on Fire, Dana Fuchs, dans Les Nocturnes. Mmh. like ours meet. I fell for you like a child, but oh babe, that child went wild, and I fell in to a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flame went higher, but it burns, burns, burns, that ring of fire, that ring of fire, oh it burns. Festival en Californie il y a un mois. J'aime encore plus ce disque de Lucas Nelson, fils de Willie Nelson. Hoping that the Lord sees fit to let me leave. Set me down on the cloud. You ain't coming back here. I'm gonna stay until my bones have turned to leaves. I'm waiting on a word, hanging on a prayer. White walls, lightning bolt, they keep my feet on the ground. If I lose my baby, I'll tell you where they could lay. Set me down. So turn. Nelson et son groupe The Promise of the Real. Souvent aux côtés de Neil Young d'ailleurs avec son frère. Set me down on the cloud. Les nocturnes, la musique, la nuit, sur RTL. Où que vous soyez dans le monde, merci de nous écouter. Voici le groupe Mercury Rev. Surprising when you Rising, c'était Mercury Rêve en 2001. Qu'est-ce qu'on a pu passer ça lorsque le disque est paru? Le Powerplay, cette nuit, c'est un jeune anglais qui s'appelle Tom O'Dell. Il nous propose un nouveau single qui s'appelle If You Wanna Love Somebody. Et je pense que vous allez aimer. Powerplay. You should look at your reflection. If you wanna see your light, you're heading in the right direction. If you wanna pick a side, well, give me more perfection. If you wanna see me cry, well, if you wanna love somebody, well, if you wanna love somebody, I'm your guy, I'm your guy. You should get your car a start if you wanna be a part. Go to the California party if you wanna fuck a star. If you wanna just pretend, you gotta make your kiss a little colder. If it's ever cold. Son nom, Tom O'Dell, If You Wanna Love Somebody. Les Nocturnes, toujours. Minuit 39, Stevie Nicks. The Dealer. It was my fault, my move, my game. If I'd known it's hard. Avec Cher. Ever since I can't remember, you've been hanging around this joint. Dead Ringer for Love. You've been trying to look away, but now you finally got the point. I don't have to know your name and I won't tell you what to do. But a girl, she doesn't live my only rock and roll and brew. Baby, baby, baby, baby. Rock and roll and brew. Rock and roll and brew. They don't mean a thing when I compare them to you. Rock and roll and brew. Baby, Red Ringer for Love, Meatloaf, Cher. Morceau d'anthologie. George Lang on W. Les nocturnes jusqu'à 1h du matin. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. Want a whole lot of love. Want a whole lot of love. Want a whole lot of love. You've been learning, baby, I've been learning. All that good time, baby, baby, I've been the dirt better. Way, way down inside, honey, you need a. I'm gonna give you my love. C'était Joe Bonamassa avec un extrait de ce double CD qui s'appelle British Blues Explosion et ça a été enregistré live. Ce titre, eh bien, c'était Motherless Children, emprunté à Eric Clapton. La version originale figure sur l'album 461 Ocean Boulevard. Minuit 59 et 45 secondes, autrement dit, c'est la fin des Nocturnes sur RTL. Vous avez aimé cette émission, vous pourrez la podcaster dans quelques instants quand elle sera terminée. Je vous souhaite une bonne fin de nuit. Je vous retrouve demain à partir de 23h pour la collection et à minuit pour l'auto nocturne. Terminez bien la nuit, dormez bien.